Première partie. Chapitre 7. Le sixième article du symbole. Que nous enseigne le sixième article ? Est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Le sixième article du Credo nous enseigne que Jésus-Christ, 40 jours après sa résurrection, monta au ciel par sa propre puissance en présence de ses disciples et que, étant comme Dieu égal à son Père, il a été comme homme élevé au-dessus de tous les anges et de tous les saints et établi le Seigneur de toutes choses. Pourquoi Jésus-Christ, après sa résurrection, resta-t-il 40 jours sur la terre avant de monter au ciel ? Jésus-Christ, après sa résurrection, resta 40 jours sur la terre avant de monter au ciel, afin de prouver par diverses apparitions qu'il était vraiment ressuscité, et afin d'instruire davantage les apôtres et les confirmer dans les vérités de la foi. Pourquoi Jésus-Christ est-il monté au ciel ? Jésus-Christ est monté au ciel, premièrement, pour prendre possession du royaume qu'il avait mérité par sa mort. Deuxièmement, pour préparer notre place dans la gloire et être notre médiateur et notre avocat auprès de son Père. Troisièmement, pour envoyer le Saint-Esprit à ses apôtres. Pourquoi dit-on de Jésus-Christ qu'il monta au ciel et de sa très sainte mère qu'elle y fut élevée ? On dit de Jésus-Christ qu'il monta au ciel et de sa très sainte mère qu'elle y fut élevée parce que Jésus-Christ, étant homme-Dieu, monta au ciel par sa propre puissance, tandis que sa mère, qui était une créature, bien que la plus digne de toutes, monta au ciel par la puissance de Dieu. Expliquez les mots « est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant ». Les mots « est assis » signifient la possession pacifique que Jésus-Christ a de la gloire, et les mots « à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant » expriment qu'il a une place d'honneur au-dessus de toutes les créatures.